بالكوشة تفضل السلامة. لأن خاص كي بودري سافوار سو كو فو بونسي دو مغراوي سي فريمون تكفيري بارك الله فيكوشة. جوسكا بريزون جو ني با لا ريبونس سور سيت بيرسون اخي سلفي سور سيت بيرسون جو ني با. جي لو بوكو دو جون اون انترنت سيا دير دو بوي تكفيري لا سوسي تكتا مي موا tant que je n'ai pas quelque chose, un délit puissant, je ne peux pas parler sur quelqu'un que je ne connais pas. Il faut que, inshallah ta'ala, je lise ce qu'on dit, les grands ulama sur lui, etc. Maintenant, j'ai lu certains talibs, les talibs qui parlent de lui, etc. Ça, pour moi, ce n'est pas assez convaincant. Il faut que, inshallah ta'ala, je sache ce qu'on dit, les grands ulama sur lui, là, cette personne est pour la suivre ou il ne faut pas la suivre. Donc, Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne Adel Maghraoui, je n'ai pas encore gagné quelque chose de solide. D'ailleurs, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas bien. Vous pouvez gagner ces cinq, vous pouvez téléphoner au grand ulama pour leur demander leur avis sur lui. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui, mais je ne sais pas si c'est les choses en vrai ou sans parler. Je demande Inch'Allah ta'ala au grand ulama et apprenez-moi ce qu'ils vous ont dit. Barakallahu fikoum.